Chapitre 3e. L'abbé fut détaché en avant pour amortir, autant qu'il était possible, le coup terrible qui allait être porté à la malheureuse Madame Loisy. Certes, le brave homme avait déjà été mêlé à bien des malheurs. Bien souvent, il avait dû chercher des formules de consolation supérieures aux banalités que lui fournissait la routine quotidienne. Mais tandis que, pressant le pas, il prenait un chemin de traverse pour atteindre plus vite la maison des Loisy, il cherchait en vain dans son esprit, plus sensé que vif, les habiletés dont il entourerait, comme d'un tampon, les premières paroles prononcées. L'abbé Lambquin, que ses paroissiens railleurs appelaient volontiers l'abbé Lambin, était un de ces résignés qui ont arrêté leur vie en un jour d'échec, comme certains enfants cassent par dépit le ressort d'une montre. Il avait eu ses ambitions, il avait eu ses prétentions. Instruit, doué surtout de curieuses facilités d'assimilation, il avait rêvé les hautes dignités de l'Église, convaincu qu'il y pourrait parvenir par ses seules lumières et par une érudition doublée de probité. Jusqu'à l'âge de 40 ans, il avait conservé ses illusions, confiant en tout et en tous, optimiste à l'excès, convaincu très sincèrement que chez ses collègues comme chez ses supérieurs, la bonté évangélique était la première règle de conscience. Donc naïf. Quand il se sentit suffisamment armé par le travail, par les témoignages universels d'une vie irréprochable, il crut devoir avouer franchement le but auquel il tendait. Il ne rêvait pas l'épiscopat, oh non, mais il convoitait une grande cure, peut-être une archiprêtrise. De ce jour-là, il fut l'ennemi, le honni, le persécuté. Il mit longtemps à comprendre, s'évertuant à se prouver digne d'un rang qu'il occuperait dignement, s'affirmant, par des travaux intéressants, apte à rendre de réels services. Un jour, une minute avait suffi à renverser cet échafaudage. Le mot d'intrigant avait été prononcé à l'archevêché. Un avis plus que sévère l'avait rappelé à la modestie. Le pauvre homme, dont la sincérité ne se démentit même pas en ces circonstances douloureuses, s'étonna, essaya de se défendre, pareil à celui qu'opposerait une cuirasse de verre à des balles de bronze. Une disgrâce s'ensuivit. Épouvanté, il se crut perdu, et chose singulière, il se crut surtout coupable, s'humilia, se frappa la poitrine, sollicita le pardon. On l'enterra dans l'In Pace de Lompré-sur-Oise. Il était là, depuis 20 ans, ayant oublié ses rêves, rejetant comme une tentation du démon ce qui pouvait lui rappeler les ambitions d'antan. Et puis, dès lors, se laissant bercer au courant des routines quotidiennes, il était devenu l'abbé Lambquin, un insignifiant, bon et dévoué, il est vrai. Mais il ne faisait que son devoir, disaient ceux qui trouvaient toujours très naturel chez autrui des vertus qui leur manquent. Il s'était erré dans sa médiocrité comme dans une fosse humide où peu à peu se rouillaient ses facultés. C'est ainsi que, cette nuit-là, il se sentait presque incapable de trouver dans son imagination les mots qui atténuent la douleur et engourdissent le désespoir. Il n'avait pas encore atteint la maison Loisy, marchant la tête baissée, un peu frissonnant dans sa soutane serrée, quand il entendit à quelques pas de lui des voix qui l'appelaient par son nom. En même temps, Madame Loisy et Gabriel Berthemont couraient à lui, lui criant « Eh bien, voilà, qu'est-il arrivé? Parlez, parlez vite !» Il fut comme foudroyé par cette intervention inattendue et surtout prématurée. Il avait saisi dans ses mains un peu grasses les mains de Madame Loisy et il les secouait inconsciemment dans le tremblement qui le remuait tout entier. « Mon fils, Georges, où est-il? Mais dites-moi donc, dites-moi !» Et le pauvre homme, qui avait tant cherché sa phrase première, se mit à pleurer. « Madame Loisy, il vous reste un fils. » Un cri déchirant lui répondit. Au même instant, Madame Loisy venait d'apercevoir au bout de la longue avenue les torches et ce groupe noir qui, de loin même, ressemblait à un cortège funéraire. Affolée, les bras en l'air, elle se mit à courir, et en une seconde arriva au premier porteur. Elle les arrêta, brusquement, se jeta sur le brancard, arracha le linge dont on avait couvert les deux visages, et vit dans l'horreur d'une hallucination vraie ces deux pâleurs de mort, ces deux masques livides et souffrants, son fils et son mari. Elle eut une clameur d'angoisse atroce, et tomba au bras de M. Berthemont. Gabrielle accourait, elle aussi, suivie par l'abbé qui sanglotait, s'accusant d'avoir été, comme toujours, pensait-il, maladroit et niais. « Vite, vite, à la maison !» disait M. Berthemont, entraînant la malheureuse femme et pressant les porteurs. Madame Loisy voulait parler, interroger. Les mots roulaient incompréhensibles entre ses mâchoires grelottantes. Elle avait reçu, c'était la seule comparaison possible, un coup de marteau en plein crâne. Cet éclatement de catastrophe, horrible, stupéfiante, fondant sur sa placidité jusque-là inaltérée, lui mettait au cerveau l'effarement d'une explosion. Elle chancelait, ne pleurant pas, ne sachant plus où elle était, où elle allait, si elle vivait. Elle était comme un enfant, qui au milieu d'un parc tout joyeux de soleil et de printemps, se verrait tout à coup environné de bêtes hideuses. Le vieux notaire la faisait marcher le plus vite possible, presque courir, sachant qu'aux ébranlements moraux, les ébranlements physiques peuvent faire équilibre. Arrivée à la maison, elle s'arrêta à la porte, ne voulant pas entrer, se cramponnant aux chambranles, s'arc-boutant, elle ne savait pourquoi ni pour quelle résistance. Il fallut l'écarter de force pour laisser passer le brancard. Dans la salle à manger, si tranquille tout à l'heure, et où la vieille comptoise seule rappelait le tic-tac de la vie équilibrée, Abel, qui ne savait rien, s'étant endormie sur sa chaise au moment où Madame Loisy et Gabriel étaient sortis, venait de se dresser, étourdi, mal éveillé, et comme les deux corps étaient placés sous la lueur de la lampe, il cria « Père, père est mort !» Et d'un élan s'écroula auprès de lui, l'entourant de ses deux bras, fou lui aussi de surprise et de douleur. M. Berthemont donnait des ordres rapides. M. Loisy fut étendu sur un matelas, la tête très haute. L'abbé, écartant Abel, s'était agenouillé auprès de lui et avait posé son oreille contre son cœur. « J'ai bon espoir, dit-il, sa vigueur le sauvera. » Madame Loisy, qui était restée à côté à la porte, en proie à une de ces crises intérieures de nerfs, plus terribles peut-être que celles qui se manifestent par des convulsions, entendit et cria « Vivant ! Quelqu'un est vivant !»« M. Loisy est sauvé !» lui dit M. Berthemont. Elle le regarde avec stupeur, comme si elle ne comprenait pas tout d'abord. Elle avait vu deux morts. Elle était bien sûre de cela. Le notaire lui expliquait la catastrophe tout bas, de sa voix égale et assoupissante. Elle hochait la tête, faisant effort pour saisir le sens des mots. Tout à coup, la parole de l'abbé lui revint en mémoire. « Il vous reste un fils. » Dans un élan de maternité folle, attachant son amour englouti à l'épave surnageante, elle se jeta sur Abel, l'enveloppa, le serra, le baisa à pleines lèvres, criant « Abel, Abel, Georges est mort !» Et elle ajouta ce mot terrible dans sa naïveté « Comme je t'aime !» Cependant, on s'empressait. Loisy, déshabillé, était porté dans sa chambre. Il fallait maintenant s'occuper du pauvre Georges. Gabriel, pâle, aidait son père. Madame Loisy vint, redevenue elle-même, pleurant, mais faisant son devoir de mère. Elle demandait encore le récit de l'accident, et penchée sur son fils, elle lui baisait les paupières, lui parlant tout bas, avec ses inflexions caressantes qui réveilleraient les enfants morts, si la mort pouvait s'éveiller. La maison, envahie par les sauveteurs, devenait bruyante. La première stupeur passée, ces hommes parlaient, discutaient, péroraient. Il n'y avait de la faute de personne. Même ce pauvre M. Georges n'était pas à blâmer. On avait vu la glace le matin. Quelqu'un avait même passé dessus, là-bas, au moulin des Bernards. Comment se douter qu'elle fût si faible auprès du pont? Seulement, c'était bien simple, qu'il n'eût pas pu atteindre la rive. En somme, il n'y avait pas une distance d'un mètre à l'endroit où le craquement avait eu lieu. Rien qu'à étendre le bras, il aurait touché la berge. Mais voilà, le froid l'avait saisi. « Voyez donc, » murmura M. Berthemont à l'oreille du curé, « il a du sang aux cheveux. » L'abbé se pencha. Il fut obligé d'écarter les mains de la mère pour palper le crâne. Oui, il y avait du sang. Quelques gouttelettes seulement. Le cuir chevelu était légèrement excorié, juste au sommet du crâne. Gabriel s'était approché. « Un coup, peut-être » fit-elle tout bas. « Je ne sais pas, » répondit l'abbé sur le même ton. « Abel, viens donc boire. » Le jeune homme rentrait au même instant, ayant accompagné son père à sa chambre, où il avait aidé à tout disposer. « Maman, » dit-il à Madame Loisy, « père reprend connaissance. »« Ah, j'y vais !» fit la malheureuse femme. « Vivant, il est vivant. J'ai eu si peur, mon Georges !» Elle embrassa encore son fils et courut hors de la salle. L'abbé répéta son appel au jeune homme. Gabriel était placé derrière le mort, dont elle soutenait la tête de ses deux mains. Monsieur Berthemont avait pris une bougie et éclairait la chevelure. « Vois, dit le curé Abel, ne dirait-on pas un coup de bâton ?» Abel se pencha à son tour et regarda attentivement. « Mon pauvre frère s'est englouti sous la glace, à ce que vous m'avez dit ?»« Oui. » »« Eh bien, il me semble que fort nageur comme il l'était. Georges a dû tenter plusieurs fois de remonter à la surface. » Rencontrant la glace, il a essayé de la briser à coups de tête, en se lançant du fond d'un élan du pied. Il avait dit cela d'un trait nettement, explication ingénieuse et qui lui venait tout naturellement. « Tu dois avoir raison, » dit l'abbé. « Le médecin examinera cela demain matin. Et d'ailleurs, comment croire un crime ? Georges était si bon, tout le monde l'aimait tant. »« Voyez aussi ses vêtements, » insista M. Berthemont. « Georges était trop vigoureux et trop courageux pour ne pas lutter contre un agresseur, quel qu'il fût, et il s'en serait suivi quelque désordre dans sa toilette. À moins qu'il n'était surpris par quelque trahison, dit Gabriel. La fille de M. Berthemont était de taille un peu au-dessus de la moyenne, très mince, mais bien formée. Ses cheveux très noirs étaient coiffés selon une ancienne mode, à bandeaux un peu bouffants et ondés sur les bords, disposition qui donne au regard une exquise douceur. Le nez fin était droit, la bouche, aux lèvres assez épaisses, accusaient un sang chaud et une santé robuste. L'ensemble était à la fois gracieux et doux par l'expression des yeux, énergique par le menton rond et fort. Elle tenait de son père cette dernière particularité. À sa dernière observation, nul n'avait répondu. Une trahison ? C'était évidemment une hypothèse toute gratuite. 4 heures venaient de sonner. « Mon ami, dit l'abbé à M. Berthemont, si vous m'en croyez, « vous vous retirerez avec votre cher Gabriel. Je veillerai ici jusqu'au matin. » Thomas, qui est infatigable, est allé chercher le médecin qui arrivera vers les 8 heures. « Je vous ferai aussitôt prévenir. Quant à toi, mon pauvre Abel, » ajouta-t-il en se tournant vers le jeune homme, dont la silhouette maigre semblait s'affiner encore à la lumière pâlissante de la lampe, « il faut que tu te reposes. Ta mère est auprès de M. Loisy. Il faut que demain tu sois fort, car il y aura encore bien des fatigues et des chagrins. » « Je vais consulter maman, » répondit Abel. « Je ne voudrais pas la laisser seule. Mais puisque je serai là, qui donc veillera auprès de Georges ?» s'écria Gabriel. « Moi, moi, » dit doucement l'abbé, « ne vous inquiétez pas, mon enfant. » Elle sembla hésiter, mais M. Berthemont, se rendant aux observations de l'abbé, endossait de nouveau son manteau. « Viens, Gabriel, » dit-il. Elle lui fit un signe comme pour implorer une minute de délai. Puis elle se pencha vers le corps de Georges, lui prit la main, et se courbant, elle l'effleura de ses lèvres. Abel s'était dirigé vers la chambre de son père, oubliant, tant était grand son trouble, de dire adieu à M. Berthemont et à sa fille, qui sortirent de la maison, promettant de revenir de bonne heure. « Pauvre garçon, pauvre Jean !» dit M. Berthemont, en serrant le bras de sa fille contre le sien. Gabriel ne répondit pas. À travers les mailles du voile dont elle s'était enveloppée la tête, ses yeux fixes regardaient la nuit noire. « À propos, » reprit M. Berthemont, « comment donc te trouvais-tu chez Mme Loisy ?»« Vous ne m'aviez pas fait prévenir, mon père. Ne vous voyant pas rentrer, j'étais prise d'inquiétude et suis venue pour m'informer de vous. C'est alors que j'ai appris où vous étiez allé. Je vous ai attendu. » Ils avaient atteint leur maison, distante de quelques 20 mètres. M. Berthemont, ayant embrassé sa fille, rentra dans sa chambre et, épuisé de fatigue et d'émotions contenues, se jeta tout habillé sur son lit. Gabriel, assise auprès de sa fenêtre, regardait encore la nuit et pleurait.